Jusqu'à 9h, 94.2, soleil compris, la matinale de l'été sur Fadjet. Alors, les vignettes, c'est devenu un petit truc qui habituellement, normalement, est complètement ringard, hein, il faut le dire. Mais oui. Chez nous, non. Chez nous, on a réussi à moderniser la vignette. Pourquoi ? Parce que nous ne trouvons jamais aucune réponse. C'est un cataclysme. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous allez encore trouver. Sur Fadjet, ça bouge aussi. Côté très reggae ce matin, voilà, là c'est pareil, on est sur la plage au bord d'un petit feu, comme ça, tranquille, on se voit au vent. On est bien, il est 8h30 ce matin les amis, profitez d'être avec nous parce que nous on en profite. Il faut savoir qu'en plus la Josse, elle tue bien la pétanque, hein. Oui. Ah ouais, elle cartonne. Oui, hein. C'est cartonne. Ah, c'est la reine du carreau. Ouais. La reine non, du carreau. Alors là peut-être pas. C'est pas la reine du carreau ouais. Non. La matinale de Fadjet.